Chapitre 12. Au château de Rochemoussu. C'était vers les 4 heures de l'après-midi, on avait dépassé le village de Chailly depuis quelques minutes, lorsqu'apparut dans le lointain la masse grandiose des bois de Rochemoussu. Sabin, qui connaissait le pays, abandonna la grande route pour s'engager dans un joli chemin, propre et uni comme un parquet. On était déjà sur le domaine de Rochemoussu. On marcha comme cela un quart d'heure environ. César était troublé. Il lui semblait connaître, mais vaguement, ces vastes prairies où paissaient en liberté les petites vaches bretonnes du prince. L'aspect général de la campagne était sévère. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, l'horizon était boisé. « Reconnais-tu donc cela, César ?» demanda Aimé. « Je ne sais pas, » répondit le jeune garçon. Et ils continuèrent d'avancer. Enfin, au-delà d'une magnifique pelouse d'un vert tendre, entre deux massifs de hautes futaies, se découvrit le château de Rochemoussu. « Les prairies et les bois, » dit César à Aimé, « je croyais les reconnaître, mais ce château, je ne l'ai jamais vu. On n'était encore que dans la première quinzaine de mai. Seulement, le printemps était si beau cette année-là qu'on eût dit que le climat de l'Italie était devenu celui de la France. « Voilà, » dit Sabin à mes amis en leur montrant le château, une imposante construction édifiée dans le style du XVIIe siècle. « Voilà où désormais vous passerez votre vie, dans la paix et l'abondance. » On côtoyait de magnifiques potagers et des jardins qui n'étaient séparés de la route que par un large fossé. Nos aventuriers pouvaient tout à l'aise admirer les serres monumentales, toutes grandes ouvertes au soleil de mai, et exposant au regard des promeneurs les nuances vives, tendres ou riches, de ces rhododendrons célèbres, de ces azalées merveilleuses, qui tous les ans remportaient le prix au concours d'horticulture. Ils pouvaient encore admirer la savante disposition des serres chaudes où étaient cultivées des primeurs devenues des types dans le monde horticole. Puis une melonnière unique au monde pour la saveur et la variété de ses espèces. Mais ce qui ravissait surtout mes amis, dont les goûts étaient encore simples, c'étaient 3 petits chalets, à toiture de chaume et aux murs recouverts de lierre, disséminés dans les jardins et sans doute destinés à loger les jardiniers. « Que je voudrais demeurer là, » disait Aimé. « Peu, » faisait Sabin avec ce dédain des petites choses qui lui étaient particuliers. « C'est malsain au possible, sans compter les autres désagréments. » Les lézards y font leur nid, c'est infesté de souris, et les rats s'y promènent, comme des gens qui sont chez eux. Du moment que les rats s'y promènent, c'est égal, je voudrais bien avoir une petite maison comme cela. » Sabin entra chez le concierge du château et demanda à M. Prosper, un valet de pied attaché au service de M. Maxime de Rochemoussu, le plus jeune fils du prince, un enfant qui n'avait encore que 5 ans et demi. Nos amis avaient cru que Sabin s'adresserait au prince lui-même. Ils furent quelque peu déçus. Mais ils se consolèrent promptement en voyant arriver M. Prosper, qui était un fort beau garçon et représentait énormément avec son habit bleu de roi, sa culotte courte, ses superbes mollets et ses souliers à boucles. Sabin, qui avait connu M. Prosper au temps où le jeune domestique n'était encore qu'un petit paysan du Berry, lui dit quelques mots à voix basse. Le valet de chambre s'absenta, mais revint presque aussitôt. « Vous pourrez demeurer ici jusqu'à demain, » leur dit-il. Alors tous trois entrèrent, suivis de Balthazar, que tant de grandeur n'embarrassait point. Il était 5 heures. La nouvelle que des saltimbanques étaient au château pénétra jusqu'au salon, et bientôt on vint chercher nos aventuriers de la part du prince et de la princesse, qui voulaient, puisque l'occasion s'en présentait, donner le spectacle à leurs enfants. Sabin suivit M. Prosper avec l'aplomb d'un mérite qui ne s'ignore pas. Ce que voyant César et Aimé, ils suivirent Sabin, et Balthazar suivit tout le monde. Le prince et la princesse, entourés de leurs enfants, étaient au jardin sous un immense platane, qui les protégeait de son ombre, sans leur dérober la vue splendide de la vallée et de la Seine qui se déroulait devant eux. Sabin avait tant parlé du prince et de la princesse de Rochemoussu, il les avait tant exaltés que mes amis s'attendaient à voir des personnages de taille surhumaine, ou tout au moins autrement faits que les autres mortels, et ils ne laissaient pas que d'être troublés. Mais ils ne tardèrent point à se rassurer. Le prince et la princesse ressemblaient à tout le monde, et avait été taillé sur le patron banal qu'on fournit au genre humain tout entier, Adam et Ève et nos premiers parents. Il paraissait peut-être meilleur ou plus intelligent que bien d'autres, mais cela tenait évidemment aux qualités intérieures et toute morale dont ils étaient doués, et à l'éducation qu'ils avaient reçue. La princesse était une gracieuse petite femme, à la physionomie douce et fine. Elle était jolie, mais elle avait dû l'être encore davantage autrefois, dans le temps lorsqu'elle était toute jeune. Seulement, comme mes amis ne l'avaient pas connue dans ce temps-là, ils la trouvaient charmante. Ils n'avaient jamais rien vu, du reste, de gracieux et d'encourageant comme son sourire, ni rien entendu d'émouvant comme le son de sa voix. elle avait l'air de parler du cœur, et son regard si tendre et si pénétrant semblait dire aux pauvres gens « Rassurez-vous, ayez confiance, je vous comprends, moi, et je sais ce qu'il vous faut. » Elle était vraiment l'incarnation de la bonté et de la charité. Certes, il y avait loin de cette douce princesse qui savait si bien se mettre à la portée de tous, des riches comme des pauvres, à ces altières, hautaines et impertinentes créatures qu'on a si longtemps représentées comme les types les plus achevés de la noblesse. Mais à votre sens, mes petits lecteurs, ne valait-elle pas mieux? Le prince était un homme de 55 ans environ, mais qui n'en paraissait pas beaucoup plus de 45. Il avait la tournure et la physionomie d'un militaire, quoiqu'il n'eût jamais fait partie de l'armée. Mais sous des dehors brusques, il cachait un cœur droit et juste, et sa parole, bien que brève, n'était jamais ni dure ni blessante. Il semblait au contraire que sa brusquerie n'eût d'autre objet que de dissimuler ses bonnes actions. Ainsi, par exemple, lorsqu'on lui rapportait que de pauvres gens allaient être expropriés faute d'argent pour payer le loyer d'une misérable chaumière, il ordonnait à son intendant de payer pour eux du même ton dont il eût ordonné de les fusiller. Si un obligé dans sa reconnaissance venait le trouver, pour le remercier et protester de son dévouement, il lui disait « qu'on ne m'ennuie plus de ces choses-là ». C'était un travers sans doute, mais un tout petit travers. Et quand on pense combien il serait aisé au prince d'avoir de gros défauts, on est bien prêt de leur souhaiter beaucoup de travers comme celui-là. Dès qu'il eut appris l'arrivée au château de nos trois aventuriers, le prince avait dit, toujours sur le même ton, qu'on me les amène de suite. Et tout naturellement, on s'était empressé d'obéir. Nous devons, pour être juste, avouer qu'il imposait énormément à nos amis. Tout dans sa personne, sa grosse et rude moustache, ses favoris épais, ses cheveux taillés en brosse, et la mobilité de son œil vif et clair les embarrassaient outre mesure. Aussi, pendant que sa main, excitée par le haut rang de ses spectateurs, se livrait aux inspirations de son génie, reportait-il de préférence sur la princesse le regard timide et curieux. Monsieur et Madame de Rochemoussu, comme nous l'avons dit, étaient entourés de leurs enfants, un grand et beau garçon de 18 ans qu'on appelait Ludovic, une charmante fille de 16 ans nommée Luce, une autre de 10, appelée Marthe, et le petit Maxime, qui n'avait encore, comme vous savez, que 5 ans et demi. Tous les quatre prirent un plaisir très vif au spectacle improvisé que leur donnaient Sabin et Balthazar, qui lui aussi se surpassa. Le brave caniche fut bien récompensé par ses beaux enfants du plaisir qu'il leur avait procuré, car ils le comblèrent de caresses et de bonbons, et ne dédaignèrent point de passer leurs mains fines et blanches dans sa toison, peu soignée. Jamais Balthazar ne s'était trouvé à pareille fête, et il se montrait fort sensible à l'honneur qu'on lui faisait. Cependant, il sut y répondre fort dignement, et il n'eut point, tant s'en faut, la mine plate et impudente que prit Sabin pour recevoir les 25 francs dont le prince crut devoir payer leur savoir-faire et leur habileté. 25 francs! C'était une somme fabuleuse dans le ménage des trois aventuriers. Sabin était comme fou de joie, et mes amis pensaient que leur fortune était faite. Tous trois, sur la recommandation de la princesse, se rendirent à l'office, où le maître d'hôtel leur donna quelques friandises, afin qu'ils pussent sans trop souffrir de la faim, attendre le dîner, qui n'avait lieu qu'à 8 heures pour les domestiques. Après une collation, comme ils ne soupçonnaient même pas qu'on en pût faire, ils montèrent, toujours accompagnés de M. Prosper, à leurs chambres respectives, situées sous les combles du château. Là, César et Aimée trouvèrent chacun un costume complet qui leur était donné par la princesse. Tout y était, depuis les souliers jusqu'au bonnet. Ils s'empressèrent, sur l'invitation de M. Prosper, de quitter leurs vieux habits et de mettre les neufs. Puis ils redescendirent à l'office, où tous deux firent assez bonne figure, l'un avec sa blouse de retors coquettement serrée sur les hanches par une large ceinture de cuir, l'autre avec sa robe et son tablier de cotonnade, ses souliers lacés, son châle noué en sautoir et son petit bonnet de soie noire, derrière le bas-volet duquel ses cheveux bien peignés et bien brossés frisaient en queue de canard. Sabin les examinait de la tête aux pieds, et les prenant par la main les faisait tourner à droite, tourner à gauche, et affectait de ne les point reconnaître. Cela les amusait, et ils riaient de bon cœur. Ils pensaient bien du reste que si la princesse leur avait donné tant de belles choses, c'était parce que Sabin lui avait dit, ou fait dire, un mot en leur faveur. Mais c'est égal, ils avaient remarqué qu'ils étaient moins liés avec le prince, qu'ils n'avaient toujours prétendu. Après dîner, le prince et la princesse et leurs enfants, accompagnés des précepteurs et des institutrices, montèrent dans de belles voitures pour se rendre chez un autre prince du voisinage, où l'on devait danser et jouer des charades une partie de la nuit. Ce fut alors au tour des domestiques de se mettre à table. Ils étaient là plus de 20. C'était jour de gala. On profitait de l'absence du prince pour fêter tranquillement à ses dépens l'anniversaire de l'un d'entre eux. On avait dressé un couvert splendide, les fleurs, l'argenterie et les cristaux étincelaient sur la table au feu d'une profusion de bougies. Le maître d'hôtel d'un côté et la femme de charge de l'autre occupaient les places d'honneur. Les autres convives venaient à la suite, chacun selon son âge ou le rang qu'il croyait tenir dans la maison. Aux deux extrémités étaient placés Sabin et le dernier des marmitons, puis César et Aimé. Les hommes avaient quitté la livrée pour prendre l'habit noir, et les dames étaient en robe de soie. Cela présentait vraiment un joli coup d'œil. Par exemple, les vins manquaient, non par la quantité, mais par la variété. Et les convives, chose désolante, n'avaient pas plus de 3 verres devant leurs assiettes. Pourtant la cave du prince était célèbre, mais le sommelier, un ancien militaire, un homme sans éducation, un rustre enfin, ne faisait point partie de la domesticité. Il était incorruptible et n'entendait point raillerie sur la question de probité. Il avait donc fallu se contenter du bourgogne ordinaire et du madère de cuisine. Quelques bouteilles de champagne, adroitement dérobées dans la bagarre d'une grande soirée, complétèrent le festin. C'était peu, mais tant de gens sont encore obligés de se contenter à moins. Il fallait entendre tout ce monde Saint-Jean maladroitement s'émettre, les femmes minaudant et les hommes jouer ou gentlemen. On disait « princesse à la femme de chambre » de Madame de Rochemoussu et « prince au valet de chambre de monsieur ». Comme le jeune Ludovic portait le titre de comte de Montgeron, son domestique se faisait appeler Montgeron tout court. « Mon cher Montgeron, lui disait-on, goûtez donc de ces conserves d'ananas. » Deux invités qui servaient dans un château voisin avaient pris le titre de marquis et marquise Dubreuil. « Marquise, disaient les dames, vos yeux sont ravissants, vous êtes ce soir tout à fait en beauté. » Mais au dessert, grâce au cliquot du prince, le naturel reparut, les langues s'aiguisèrent, et nos amis apprirent en moins d'une demi-heure les secrets les plus intimes de la famille de Rochemoussu. On raconta avec beaucoup de malice et de sous-entendus, comme pour donner à penser que ce n'était pas tout, que le prince avait 3 fausses dents, que la princesse portait de faux cheveux, que M. Ludovic était myope, que Mademoiselle Luce avait une jambe de travers, que Mademoiselle Marthe serait bossue et que le petit Maxime deviendrait épileptique. On sut aussi que M. le marquis de Breuil était un sot, un bellâtre qui se teignait les moustaches et les favoris, et la marquise une fine mouche qui le faisait tourner comme le vent un coq de clocher. Puis on s'égaya aux dépens de la principauté de Rochemoussu, principauté de fraîche date, achetée à Rome par le père du prince actuel, un financier peu scrupuleux, qui était censé l'avoir obtenu en reconnaissance de services rendus au gouvernement pontifical. Et on affirma que la princesse n'avait point tant sujet de faire la sucrée, puisque son grand-père avait tout bonhomment gagné son immense fortune en faisant fabriquer des tissus à Mulhouse. Nous devons ajouter que le prince, la princesse et toutes les personnes de leur monde le plus intime étaient désignés par des surnoms. L'un qui était fort et trapu était appelé le taureau, l'autre qui avait les jambes trop longues, le lévrier. Mais plus généralement, les noms étaient pris dans la mythologie. Il y avait Jupiter, Mars, Bacchus, puis Junon, Diane, Vénus, Proserpine, etc., etc. À 10 heures, on décida qu'il serait tout à fait charmant de finir la soirée par un bal et un peu de musique. Prosper jouait délicieusement du violon. Annette chantait agréablement. Et Jean touchait passablement du piano. On monta au salon qui servait de salle d'études aux enfants. Monsieur Jean se mit au piano. Et Mademoiselle Annette charma d'abord la société par 2 ou 3 innocentes chansonnettes. Puis elle aborda la grande musique et chanta avec un brio renversant un morceau du prophète, que Mademoiselle Luce apprenait depuis quelque temps et dont elle n'était pas encore parvenue à vaincre toutes les difficultés. Monsieur Prosper, un ténor élégant et joli garçon, comme tous les ténors, après s'être fait un peu prier, consentit à chanter en s'accompagnant avec son violon ces airs fameux et difficiles « Ô Richard, ô mon roi !» que M. Ludovic répétait sans trop de succès depuis plus de 6 mois. C'était tout bonnement divin. On s'arracha à ces délices pour se livrer au plaisir de la danse. Les dames, ayant jugé à propos de changer de toilette, avaient emprunté à la garde-robe de leur maîtresse des robes de tulle de la plus grande fraîcheur et sortant des ateliers d'une faiseuse célèbre. C'était simple, mais de bon goût. Avec cela, une fleur, un ruban, un rien dans les cheveux, et l'on n'avait pas la tournure de tout le monde. César et Aimé, relégués dans un coin sur un canapé, pendant que Sabin faisait sa partie dans l'orchestre, jouait du fifre avec une ardeur de possédé, admiraient toutes ces merveilles et pensaient de bonne foi, tant leurs idées étaient confuses et embrouillées, que dans les maisons où il n'y a rien à faire, ce sont les domestiques qui sont les maîtres. Enfin, cette société de singes se sépara et mes amis furent reconduits à leur chambre. De jolies chambres meublées, chacune d'un lit de fer, de deux chaises, d'un lavabo et d'un miroir. C'était du luxe, mais, hélas, c'était aussi la première fois que les pauvres enfants couchaient dans des chambres différentes, et eux qui dormaient si bien sur la paille pourvu qu'ils fussent côte à côte, purent à peine fermer l'œil sur ces matelas confortables et dans ces draps blancs et parfumés à l'iris. Il faut bien le dire, du reste, ils avaient encore la tête pleine du bal et de la musique. Puis ils avaient bu du punch, et cela les agitait. Sabin, plus habitué à supporter les plaisirs du monde, était monté à sa chambre gris comme deux Polonais, et cependant on l'entendait ronfler à travers la cloison.